Bel œil. La porte d'entrée se referma doucement derrière Amélie, les retors des quatre serrures se verrouillant silencieusement. Passé minuit, calme plat dans la banlieue fortifiée de Bel Oeil. Pas un son lorsqu'Amélie envoya ses clés dans le bol de mousse phosphorescente. Même l'épais tapis beige crème absorba le son de chacun de ses pas, tandis qu'elle pénétra dans le salon. Elle soupira. Subitement, l'écho d'une foule en délire se réverbéra à travers la maison jumelée. Il était lové, profondément, pratiquement avalé dans son fauteuil préféré. À ses pieds gisait une bouteille de Fizz Pop et son bol de Fromagios, ses marques préférées. L'épicentre d'un match de hockey se déroulait sur la totalité du mur latéral, avec la glace, les joueurs adverses, les pubs défilant sur les bandes, les flashs de lumière. De son poste, Jonathan gesticulait frénétiquement une demi-douzaine de capteurs transmettant chacune de ses commandes dans la console. La lumière du jeu envoyait des reflets verdâtres sur son visage, illuminant ses traits, sa mine de chien battu, quelques mèches folles retombant sur son front et ses paupières lourdes, sa bouche entr'ouverte. Tandis qu'il jouait, deux dermes de l'oxycalm luisaient à l'intérieur de ses poignets, des relaxants. « Ça va ?» demanda Amélie à l'embrasure du salon. Jonathan gémit. « Bon, je suis en train de perdre. »« Ah ?» répondit-elle. « Quoi de neuf ?»« Je sais pas. » hésita Jonathan, monotone. « On a reçu la nouvelle console au bureau. »« Une bombe ?»« Mais l'interface de l'utilisateur donne la nausée, supposément. » En tout cas, faut être une espèce de chochotte. Je sais pas. Nota Amélie. Ah, oh, ajouta Jonathan. Bertrand et Laurie nous invitent à un barbecue dimanche. Amélie se mordit la lèvre. Les voisins faisaient des rénovations et la dernière fois, Laurie avait causé de pavés unis tout l'après-midi. Mais ils étaient gentils. Amélie ne voulait pas être impolie. Ok, murmura-t-elle. Si tu veux. Elle regarda son mari, inspira pour parler, mais n'osa pas. Elle marqua une pause, une seconde, deux secondes, puis tourna les talons. En chemin, les capteurs laser enchâssés dans les murs suivaient sa progression, ajustant les lumières au passage. Amélie arriva dans la cuisine. Il y régnait une odeur de désinfectant et de friture. Elle s'arrêta devant le réfrigérateur. Un cadran lumineux lui rappelait qu'il était temps d'acheter du lait. Plus haut, une série de photos se succédait une à une. Là, une photo d'Amélie avec son unité lors du conflit bolivien, 22e Régiment Royal. Son armure, une ceinture de balles, sa cracheuse bien graissée, étincelante. Le sommet enneigé du Nevado Sarama. Le sourire d'Amélie et ses verres fumés. Là, à pied, derrière un tank Jaguar neuf, run de nettoyage. Le ciel d'azur, miroité à l'infini sur la surface saline du Salar de Uyuni, 3000 mètres d'élévation, une journée suspendue dans l'éther. Là, les tourelles grises de l'aéroport Mataveri, la pluie de septembre, l'avion cargo qui la ramène au pays. Amélie serra les mâchoires. Ses souvenirs ne pouvaient pas être les siens. Ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Toutes ces images simultanément vives et lointaines. J'ai eu un pépin au travail aujourd'hui, lance finalement Amélie depuis la cuisine. À l'autre bout du rez-de-chaussée, Jonathan marmonna. Hein? J'ai eu un pépin au travail, répéta Amélie plus fort. Ah! Répondit l'autre lassé. Puis ça va? D'un geste de la main, Amélie désactiva la projection d'image. « Ça va, » chuchota-t-elle de façon à peine audible. Oubliant ce qu'elle était venue faire dans la cuisine, Amélie se résigna à retourner dans le salon. Penaude, les lumières s'éteignant doucement derrière. Elle s'assit dans l'autre fauteuil à côté de son mari, les coussins de velours fondant sous son poids. Claquant des doigts, Jonathan interrompit sa partie un instant, les joueurs vedettes soudainement figés dans le salon. Sans cligner des yeux, il scruta son épouse de la tête aux pieds, d'un air vaguement consterné. « Bébé? » demanda-t-il alors. « T'as bien pris tes médicaments aujourd'hui, hein? »